selling records and other essentials for the rock and roll lifestyle since 1968. Whoa. The Fetus offers a wide selection of new and used music from around the world and is now offering cash for used records in excellent condition. Open during construction at 2000 4th Avenue South in Minneapolis and anytime online at efetus.com. The final meeting of 2018 for the KFAI Board of Directors is Monday, December 17th. Meetings are held at KFAI's studios at 1808 Riverside Avenue, Suite 300. Members of the public concerned about KFAI's future and direction in 2019 and beyond are welcome to observe and offer public comment. For more information, visit kfai.org/board. You have been listening to Right On Radio. I'm Anna Gergen. And I'm Connor Doherty. I'd like to thank our guests tonight, David Mura and John Ray. And don't forget to tune in next week to hear our interviews with Josh, what's her name? Mary Desjarlais. Mary Desjarlais and Chad Medlin. And I'm Josh, in case you're wondering. You're listening to KFAI Fresh Air Community Radio, 90.3 FM in Minneapolis, and on the web at kfai.org. Now stay tuned for Bonjour, Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, tonight we have a special guest. We have Kristen. Hello. Hello. Get a little bit closer to the microphone. Is that better? Yes, some. And tonight is going to be a little bit special because we're going to play some song from Paris Chanson. I thought it was going to be because I'm back. Yes, that could be. Get closer to the mic. Okay, sir. Yes, sir. Oui, monsieur. You're back, oui, chef. But you still have to listen. Yeah, true. Otherwise, people can't hear you. Yeah, I know. And that would be such a shame. That's what I thought, too. Yeah. Not really, but yeah. So Paris Chanson is coming on Thursday. And they still have Wednesday and Thursday. They still have tickets available. And so we're going to play some of their songs tonight. Cool. We're also going to play more songs from Johnny Hallyday, because he passed away a year ago. So in... an homage or tribute to Johnny Hallyday. And then we're going to have some other song from Vianney and M and a lot of different artists. Les Nubians also, because they're going to be here in town next week. Mm-hmm. So Les Nubians, they are from Paris and they sing both in English and in French, depending on the songs. So yeah, obviously. Yeah, obviously. So... All right, so I'm going to try. We're in different studio tonight, so I'm really hoping that things are going to work out. But we're going to try to make things work. And there's Adrien pedaling to give us power. Yes. So. He does happen. He's pretty good at it, though. Yeah. I mean, he needs to do it for 2 straight hours, so we'll see. He's good. He's working out more than you and I believe. Combined. Combined. Yeah, definitely. All right, so the first song we're going to listen to is Paris Chanson, and it's called Voodoo. The second one is going to be Le Poinçonneur des Lilas. So le qu'on croise, mais qu'on ne regarde pas. Exactement. Il n'y a pas de soleil sous la terre. Oh, tu pourrais faire du karaoké, toi. Ah, right, I know. Hein? Yeah. Karaoké for Romain. Yeah. Poinçonneur des Lilas is a song from Serge Gainsbourg, and that made him very famous. And Poinçonneur... Un poinçon is kind of like a punch. Like a punch card. Right. And so that's how the metro tickets were working at first. Yeah. And then we're going to listen to Bamiyan, which is another song of them. All right. C'est parti. Je suis pris dans le filet de l'amour, c'est fatin. Encore mon cœur fragile se brise sur le matin. C'est son voodoo. Elle a cette lueur dans l'âme qui rend fou. Touchée de magicienne, elle balaye mon cœur sans peine. Je tombe, je retombe, je retombe, je peux plus. Moi j'en peux plus, mon cœur qui saigne. C'est mon sort qui règne, c'est le destin qui rit. Elle est son voodoo. Si belle elle avance comme une reine. Le doigt dans ses cheveux, sa main sur ma peine. Et moi, je suis orphelin d'elle qui pleure l'irréel. C'est son voodoo. Elle a cette lueur dans l'âme qui rend fou.

pierre là où la terre fait mal. Tiens le silence dans sa conscience. La poussière de l'espoir, vivre l'espoir, l'encre de notre mémoire, que la lune se lève, elle se relève comme le rêve à l'aube d'un soir. Nos nuits dans nos yeux. Et voilà, on est revenu. We are back. Voilà, voilà. So we listen to Paris Chanson. Paris Chanson. With the last song was Bamiyan, and the song before was Le Poinçonneur des Lilas. Le gars qu'on croise mais qu'on ne regarde pas. Exactement. Il n'y a pas de soleil sous la terre. Non. Et Voodoo, that was the song before that. So. And. I have nothing to say about voodoo. Do you? Voodoo? No. No? Voodoo? Yeah, no. Johnny. Johnny. We're going to listen to Johnny after that. Yes. The first song we're going to listen, like, following this, is going to be Les Deux Guitares. And it's a song from Charles Aznavour, mm-hmm. but played by Enrico Macias. Okay. So. Oh, Enrico. Enrico, yeah. And after that, it's going to be Il Faut Savoir, You Have to Know. Mm-hmm. And it's a song from Charles Aznavour and with Charles Aznavour, but he was a duo with Johnny. Mm-hmm. Johnny Hallyday. Et ensuite, we're going to listen to Poème sur la Septième. So it's a song with a Seventh Symphony of Bach. Mm. And, no, Beethoven. Beethoven. Beethoven, sorry, yeah. Mm-hmm. All right. Anything else? No. Let's go. Okay, on y va alors. On va faire jouer la musique. C'est parti. Les tziganes sans répit grattent leur guitare, animant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un blessés font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Et Hera, Ishoras, Ishomno, Gomnogoras. Et Hera, Ishoras, Ishomno, Gomnogoras. Jouer Zigane, jouer pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête. Bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Et hélas, Ishoras, Ishomno, Gomnogoras. Ishoras, Ishoras, Ishomno, Gomnogoras. Je veux rire, je veux chanter et saouler ma peine pour oublier le passé. Avec moi, je traîne. Apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Versez, versez mon corps pour que je m'enivre. Et hélas, Ishoras, Ishomno, Gomnogoras. Et hélas, Ishoras, Ishomno, Gomnogoras. De guitare en ma pensée, jette un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. Et hélas, Ishoras, Ishomno, Gomnogoras. Et hélas, Ishoras, Ishomno, Gomnogoras. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps brûler sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, je... Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie d'être à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous discerne. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, ni partir sans faire de bruit. Oh, il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les savoir rester une glace. Et t'es un cœur qui meurt déjà. Et il faut savoir y garder la face. C'est pas. Oh, oh, oh. Je ne sais pas, je ne sais pas. A couru sur cette plage. Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoires. J'ai besoin de toucher, de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé? And we are back. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul. Exactly. And KFAI.org too. And if you missed the show tonight, you can listen to it tomorrow in the archive. And it's going to be there for 2 weeks. Ooh, ooh la la. So we heard, the last song we heard was Johnny Hallyday with a poem sur la septième, a poem on... on the 7th symphony from Beethoven. And before that, it was Il faut savoir, and it was Charles Aznavour with Johnny Hallyday. And before that, it was Les Deux Guitares from Charles Aznavour, but... Enrico. Sing by Enrico Macias. And now we're going to listen to more music. What time is it? Oh, no, I need to play some radio announcements, too. Time flies. Just one. And so we're going to listen to another song from Johnny Hallyday, but that's a cover, and it's from the cover is from Vianney, and it's called J'ai oublié de vivre, I forgot to live. Oh. Like I was really caught up on stuff. And it was live au Studio Saint-Germain. And after that, it's going to be still Vianney with Caroline, And it's a song from MC Solar, and it's also a live song at the Studio Saint-Germain. And I don't know why Romain giggles every time I say that, but... It's not about you. Okay. We're probably going to have an offline explanation that's probably not appropriate for online explanation. All right. And after that, we're going to listen to Enrico again. Enrico. And it's going to be L'Oriental. And it's the version that Mohamed Yabroui wanted to listen to when he came. And I messed up, and it was just Enrico Macias, but this version is like, it was recorded last year, and it was Enrico Macias with Khaled. Ooh. So, two Algerians and big stars, and both in France and in Algeria. So, all right. Did I say Pour moi la vie va commencer? No, I think I missed it. Yeah. The first song is going to be actually Pour moi la vie va commencer, so... Oh, for me, life is going to start. And it was one of his first songs, I mean, like the beginning of his career when he was starting to get famous. So, still from Johnny Hallyday. All right, on y va. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents. J'avais gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sein de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer, et je peux voir descendre la nuit, sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau, passent les ombres des chevaux. Pour moi la vie va commencer, et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, les années passent, on s'en prie, entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer, pour moi la vie va commencer, pour moi la vie va commencer. Force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort, pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force

trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Carmine. J'allope tout rire à gamme fine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma gamme, elle était ma vie. Ta mine, elle était ma doux, ma truc, mon crack. On a fait ta mine, Caroline. Je repense à elle. Femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il la mettre, des larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié du passé, du présent. Je l'espère, du futur, je suis passé pour être présent. Dans ton futur, la vie est un jeu de cartes. Paris, un casino, je joue les rouges cœurs. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. On m'appelle l'oriental, le bras haut, regard fatal. Et on m'appelle l'oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je n'ai pas de mal, on m'a surnommé l'oriental. On critique ma vie, mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'attache, et mon cœur joue à cache-cache. Et on m'appelle l'oriental, l'oriental, l'oriental. Moi je suis sentiment. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et on m'appelle l'oriental, l'oriental. Moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'oriental. Même quand on n'a pas un dollar, en sent on nous oublie notre cafard. On nous surnomme l'oriental, car nous on est sentimental. Et on m'appelle l'oriental. Oh, moi je suis sentimental. Et on m'appelle l'oriental. Le bras au regard fatal. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'oriental. Chanson triste ou chanson gay, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnole. Et on m'appelle l'oriental, le bras haut, regard fatal. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et on m'appelle l'oriental, l'oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'oriental. La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit le jour. On m'a surnommé l'oriental, tellement je suis sentimental. Et on m'appelle l'oriental, Enrico, je suis sentimental. Et on m'appelle l'oriental, Aziz Wardani. juste un air sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'Oriental. Tis the season for volunteering. Your favorite community radio station is growing and needs your help to get ready for 2019. We're seeking volunteers to help at all levels, from answering phones, cataloging music, and maintaining our website and social media. There's a place for you at KFAI, and we'd love to help you find it. Come to our next volunteer orientation on the first Thursday of the month here at our Cedar Riverside studios. Let us know you're coming by emailing volunteers@kfai.org today. From West African to hip-hop. You love Jamunde Twe, right? He's the host of Afric Nomad. If it has a black flair, I'll play it. Thursday mornings, 10 to noon, here on KFAI. He's also the host of this. Coming to you from KFAI Minneapolis, this is the Miniculture Podcast. Welcome to Season 2. Listen in as Jamunde takes you inside Minnesota's arts and culture scene. And on today's podcast, I have two Minnesota love stories for you. Subscribe now on Apple Podcasts or Stitcher. KFAI's Miniculture Podcast. Et voilà, on est revenu. We are back on the air. Indeed. Indeed. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, a French show about France and all the other French culture throughout different countries. And so... Indeed. We did listen to, the last song we heard was L'Oriental from Enrico Macias with Khaled on duo. That was recorded about a year ago. And before that, it was Vianney, and he was covering a song from MC Solar called Caroline. And it was... Je suis las de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. You do that in a way that it makes my heart vibrate. Oh, of course. And I don't have a peacemaker. No. Well, you know, years of practice. Okay, we'll stop there. And before that, it was still Vianney with J'ai oublié de vivre. I forgot to leave, and I guess we won't make the joke you talk offline. You said offline. And before that, it was Pour moi la vie va commencer. For me, life is going to start. And it was one of the earliest successes of Johnny Hallyday, who just left us a year ago. He was a big figure of French rock and roll starting in the 60s. And... he was very, very popular. I mean, he was feeding the Stade de France with, it's pretty big, like, what, 60,000 people or something like that? So that's big enough. Yeah. Now, because next week at the Dakota Jazz Club, we're going to have Les Nubians. Les Nubians are going to come to town. We're going to listen to two songs of theirs. I don't know what songs they're going to play next week, and I don't know if they're going to play a lot of Maybe songs in French. Maybe they don't know either. Maybe they don't know either. I don't know. I'm not managing them, you know. I have enough hard time with my life. Yeah. So the first song we're going to listen to is, I love it. It's a great one. It's called New Soul Makossa. And it's featuring with Manu Dibango, and there was a very famous song called Mamakossa. That made Manu Dibango very famous in the 70s, I think. I think so. With a saxophone riff. And so this part of his riff, there's him singing in it. And they talk about liberté, égalité. I mean, it's a great song. And then the song after that is still Les Nubians, and it's called Je veux de la musique, tout le temps. I want music all the time. Then listen to KFAI, Bonjour Minnesota. That's right. Yeah, yeah, if that's what they want, you know, they can just do that. Listen to us. And all KFAIs, there's a lot of music going. So, on y va? C'est parti, mon kiki. All right. Évolution, pas de révolution. Je prie. Dans le passé, l'énergie de mon son. Égalité, fraternité. Sona. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, injustice, immigration, pas de papier, obscurité, validité, rapatrié, porte fermée, visite. Diplômé et fier de l'être, ANP, sous-salarié, perversité, rêve brisé, minorité, invisible. Changement, éducation, mentalité, évolution, humanité pour nos nations, l'espoir de paix possible. Les élites, les pauvres, où est la vérité dans tout ça? Hey, n'entends rien des autres. j'aime la musique. Music, please! Et voilà, on est revenu, we are back. Okay. Kind of, I mean, we never left, like Romain often says. So what is the difference between ATV and UTV? That was a offline. UTV is basically a go-kart. There we go. Go-kart. Nice. An ATV requires a little bit more effort. Yeah, that's a good idea. Let's do the announcement. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota, et vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Woohoo! You're and in English? Listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, and streaming at kfai.org. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Voilà qui est dit. Tout à fait. That's really true. So you're listening to KFA. That was the message. And we also are present on social media. We are present on KFA.org. So if you want to listen to the archive, you can go KFA.org/Bonjour Minnesota. Or you can go to the program. You know, when you look at the programs, there's a drop down and you look for Bonjour Minnesota. And the past 2 weeks are always fully recorded. So you can listen to us at your own convenience. Or listen to us again and again and again if you feel like it. And we are on social medias, so Facebook, Instagram, Twitter, and Instagram. Instagram. Bonjour Minnesota. So we're gonna listen to more music, but before the music, I wanted to talk about one quick thing. Today was created a new Facebook group. And it's mostly for French, so French people. So I'm going to say it in French, but it's to help French expats coming or living, like to exchange or sell product for people coming and living, and you know, not necessarily like very commercial stuff, but we know what kind of situation we are when we first arrive. We lack of everything. And when we leave, we need to get rid of stuff because we can't ship them. It's too expensive. So, c'est un groupe pour aider les expats francophones à échanger, vendre ou acheter. Comment rendre la vie des expats plus simple? Voici le motto du groupe. Lorsqu'on arrive aux US, on n'a pas toujours l'équipement nécessaire ou bien adapté. Et lorsqu'on repart, on a souvent trop. Et oui, les maisons et appartements n'ont pas le même format en Europe qu'aux USA. Ou bien on ne pourra plus utiliser en Europe pour des raisons d'électricité, de tension. Votre ami le snowblower ne sera pas forcément très utile de retour à Paris, tout comme vos guirlandes de Noël électriques américaines. Votre équipement de hockey sur glace ou peut-être même vos planches de surf. Et puis ce sont les enfants qui grandissent, leurs vêtements qu'on avait achetés en France ne leur vont plus, les goûts changent. On a aussi fait le tour de ces livres en français, pourquoi pas échanger avec d'autres livres. En bref, un groupe à vocation d'aider les échanges d'affaires, électroménagers, vêtements, bibelots, maisons, livres, équipements de maison. Entre francophones, au Minnesota, mais aussi dans d'autres états. So, yeah, it's a group to exchange barter and do things like that because, yeah, the electrical system in France is not the same than it is in the US. And, yeah, there were some comparison about if you go back to Paris and new snowblower is not going to be very helpful. And nor will like surfboards or things like that. So, this is a group that is managed by the people from Bon Plan Famille Minnesota and Minnesota Accueil. So, those are the same folks who do like a picnic francophone twice a year and try to be helpful with the community. So we're gonna listen to more music. So I had a friend on Facebook, Keith McCarron, and he's still a friend, actually. But he asked me if I could play some songs from an African artist called Fatoumata Diawara. And turns out that she plays with M, along with Toumani Diabaty and Sidiki Diabaty, in the last album of M. So we're going to play three songs. The first song is called Set Air. Set Air, like this oxygen, this air, like it's a specific kind. It's a specific atmosphere, kind of. And then Unam. Or like this air that we breathe. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Get closer. Like fresh air. Like fresh air. This fresh air community radio. Yeah. Exactly. And then Unam, a soul. And the last one will be Toi, Moi, You, Me. All right, on y va? C'est parti. L'odeur d'un matin nu, d'un Mali dévêtu. Pas, et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Tu le retrouveras. tu le retrouveras. Je m'en souviens comme un rêve qui me prend toute la chaleur des tiens, la douceur de sa main. Chaque fois qu'une chose est sifflée, des morceaux de ta vie est passé. Oh, oui, pas et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, des morceaux de ta vie est passé. Et tu le retrouveras. J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y'a-t-il une solution? Dans ma langue, ça s'appelle Nam. Oh, Namo Bena, Kube Bene Aranini. Kube Bena, Kube Bene Aranini. Kade Duna Na, Neve Urubu Yababu. Kade Duna Na, Neve Urubu. Alors tu seras mon apparition. Monte en moi cette sensation. Je me sens vivre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Juste une âme, une âme, une âme. Une âme, une âme, une âme. De ma vie, yeah. Au-delà du sexe d'un amour sur X, je voudrais du vrai, de la clarité, de toute cette tendresse comme une caresse. Une âme, une âme, une âme, une âme. It's me, Pam Kaye. Wednesday, January 2nd, 2019, will be the 25th anniversary of Stone Soup on KFAI. It will also be the last day that Stone Soup will be on the air. Yes, I'm retiring Stone Soup. I love KFAI and everything it stands for, and I have made many, many friends over the years. Some of you at the station, and some of you over the airwaves. Some of you I have met briefly, and some I have never met face-to-face, and yet I feel very close to all of you. You, my listeners, are very dear to me. We have shared many things together over the years. I thank you all for supporting me and Stone Soup and KFAI for so long. I will never forget you. I will keep you all in my heart as the now retired Polish chef and I enjoy this new and exciting chapter of our lives. So, enjoy the next few weeks of Stone Soup and remember me fondly as I will remember you. Bon voyage, mes amis. Par l'univers planète, univers à toute bride, par l'univers bourdon, par chaque cellule du corps, par les mots qui s'engendrent, par cette parole étranglée. Par l'avant-scène du présent, par vent d'éternité. Un point Saint-Denis, tout ça pour toi. Toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie. Un point Saint-Denis, tout ça pour toi. Toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie. Par cette naissance qui nous décèle le monde. Par cette mort qui l'escamote, par cette vie plus bruissante que tout, que tout l'imaginé. Voilà, on est revenu. Et oui, nous sommes de retour, effectivement. Still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, every Tuesday, 8 to 10 p.m. Rappelez. Ok. Roman is trying to tell me something, yeah, but he's not being very discreet. No, well, actually, whispers are pretty good on the radio, I think. They, they sound pretty good. All right. Because our listeners are, you know, listening even more closely, trying to understand what we're saying. Yes, I'm so getting their ear like closer. And when they get closer, that's when we play something very loud. Oh, you're such a kidder. So we did listen to M in company with Toumani and Sidiki Diabate and Fatoumata Diawara. And we the last song was Toi Moi, the one before was Une Âme, and the one before that was Setter. So I wanted to also, well, we're going to talk about the events, but I wanted to rectify what I said about the group. So the group that is called Vente et Échange. Okay, let me find the exact name. Vente Échange entre expatriés francophones is managed by both Alexandra and Sophie Desombres, and it's not connected to Minnesota Accueil. I'm going to make a list of the group that exists, the Facebook group that exists between French and the US and things like that, and I'll post it on the Facebook page of Bonjour Minnesota sometime this week. Now, regarding the events, so what's upcoming is on the 12th, which is tomorrow from 6 to 8 p.m., there's Les Navigateurs de la Littérature, which is a book club. And the book is Kif Kif Demain by Feza Gwen. So if you enjoy it, you can practice your reading skills at the Alliance and go and talk about this book. If you need more information about the event, afmsp.org. Paris Chanson at the Dakota, so they're going to be there on Wednesday at 7 p.m. and Thursday at the 13th at 7 p.m. at the Dakota Jazz Club in downtown Minneapolis. So feel free to either call the box office or go online. 612-332-5299 is the phone number for the Dakota box office during business hours. I think most of the team of Bonjour Minnesota will be there on Thursday night, but I don't want that to influence your choice. You can go on Wednesday if you want. But you can come and say hi if you're there on Thursday. On the 13th, which is Thursday as well, but there's more dates, it's once a month, there's the apéritif en français. And it's at the University Club. It's 420 Summit Avenue in Saint-Paul. And it starts at 6 p.m. And it's, you know, it's a casual conversation group. So you come, you find some friends, and you chat. All right, what else? On the 15th, so it's Saturday from 2:30 to 3:30. It's for your little ones, if they are French speakers. It's called Les Petits Penseurs, or The Little Thinker. And every time they do like a group and chatting, and the theme this time will be la peur, or the fears, I think. Yeah. So Petit Penseur is a fun and engaging discussion group about the real and imaginary world of children in French, en français. So la peur, fear, and there's a fee for the general public, but not for the Alliance Française members. And then on Sunday, the 16th, there's going to be the regular conversation group at Méritage. It's 410 St. Peter Street in St. Paul. And it's called L'Incontournable Apéritif. So same thing as University Club, but it's weekly, so it's a little bit easier if you cannot make some of the other weeks. Then we talked about Les Nubians. So they're going to be there on the 20th. And they have two shows on the 20th, one at 7 p.m. and one at 9 p.m. Same thing, it's at the Dakota, so 612-332-5299. And the last event I wanted to mention was Paris Combo on January 15th. And there's more dates. There's the 15th and the 16th, and it's the same deal. They have two shows, one at 7 and one at 9 for each day. So it's Tuesday and Wednesday. And if everything goes well, and I'm crossing my finger, we may have La Belle du Berry and David in an interview. Mm. And we'll be able to ask questions. And they came in Minnesota on a regular basis. Yeah. So, I mean, like every other year or so. Yeah. And they started to be very famous like around 2000, so that's when I came here, so I didn't know them very much before, but yeah, it's a very nice band. Say that again. La Belle du Berry. La Belle du Berry, yeah. And it's not my mom. Yeah, that's what I was going to say. I know. C'est Josie. Bonjour, Josie. Bonsoir, Josie. Paris Combo is a... I'm reading, like, one of the descriptions of the band. Is a musical group based in Paris, France, fronted by the vocal of chanteuse Belle du Berry, Wonderful of the Berry. Berry, which is a region of France. That's okay. Around Bourges. Around Bourges. That's pretty much in the middle, and there's pretty much nothing around. Well, a little bit like Pithiviers. Yeah, but Pithiviers is not in the Berry. No, but there's not. Pithiviers. But there's nothing wrong. And the group has an eclectic style. We're gonna take care of that after the show. Yeah, sure. In the alley. I'm outweighing you, and I'm taller too. Blending elements from the traditional French song and pop, American jazz, swing, Roma music, and North African music, they have performed all over the world. So that was a description of Paris Combo. All right, should we listen to more music instead of your élucubration? Élucubration. Mm-hmm. Yeah, c'est toujours l'histoire de cul. Yeah. Toujours avec moi. Yeah, that's what I thought too. Yeah, like Antoine, les élucubrations d'Antoine. Yeah, that's a very famous French song. So we're going to listen to Véronique Sanson. She has an album called Duo Volatile. Mm-hmm. And we're going to listen to three songs, and she's singing into it with other French artists. And the song selected for tonight is, the first one is C'est long, c'est court. It's long, it's short. Mm-hmm. And they're giggling, I swear. And the featuring artist is Zaz. And Une nuit sur son épaule avec Juliette Armanet. And which was very famous. I mean, she had a lot of success with that song, Véronique Sanson. Oh, mm-hmm, yeah. It was a big one. And Amoureuse. Avec Julien Doré, so très belle version. Yes, Julien Doré has a very strong smoky voice. That's mm-mm. Going well. All right, on y va. C'est parti. Quand ça veut. C'est pas parti encore là. Là, ça veut peut-être partir. I'm trying to make it work, but like sometimes technology is like Romain. It's not cooperating. Yeah, non. There it is. C'est pas la peine de te fatiguer. Pas comme le dire sans louvoyer. Quand on n'aime plus, on s'entend mal. Il est grand temps de quitter le bal. De moins en moins d'amour. Si tu veux pas qu'on s'aime, c'est bien quand même. J'ai pas le temps de galérer. Où s'en aller? Où s'adorer? Car le temps de l'amour. Oh, oh, c'est long, c'est court. Tous les malheurs, on appelle au secours. Tourne des manivelles, qui manient comme des sous. De nos amours. Tous les délires dans ma mémoire te font pleurer sur ma guitare. Les sanglots courts, les sexes longs empêchent de voir d'autres horizons. Et tous les jours, je sens de moins en moins. Je veux pas qu'on se quitte, c'est pas très chic. J'ai pas le temps de galérer. Pas de scandale, pas d'amour, pas de loup. Comme d'habitude, pas d'habitude, tous les amours. Oh mais c'est long, c'est court. Tous les manitous qu'on appelle au secours. Tourne des manivelles, qui manient comme des sous. Tant pis pour l'envers de nos amours. sur de l'amour. Wondering where you can find your local music on KFAI? Join me, Krista Wax, every Sunday night from 10:30 to midnight to listen to all your favorite local artists, discover new music, and everything else Minnesota. MSP Sound, Sunday nights on KFAI. See you there! Je m'endors avec lui, mais je sais qu'on l'interdit, et je sens la fièvre qui me mord. tant que j'ai l'ombre d'un rebord. Oh, et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Ah. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, je suis loin de lui. Je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et je ne suis plus ici. Je ne suis plus ici. Je ressens la pluie d'une autre planète. Quand il me serre tout contre lui, et quand je sens que j'entre dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Oh, oh, oh, oh. L'angoisse me montre son visage. Elle me force à parler son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, je suis loin de lui. Je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et je ne suis plus ici. Je ne suis plus ici. Je ressens la pluie d'une autre planète. Quelle belle chanson romantique, mon Romain. Oh oui, mon Adrien. Oh là là. I had to stop them, I think. They were almost going to dance slow. But yeah, it is a very nice song. Because you're jealous. No, I'm not. Mais si. No, I'm not. Si. Not tonight. Okay. Not tonight. So we did listen to Véronique Sanson, who was for a long time Chris Steele's wife. And no, that's his mom. She was with Stephen Steele. Stephen Steele. Yeah. Okay. Yeah, I mean, that's, yeah. And they were singing with Julien Doré the song called Amoureuse, or In Love. And the song before that was Une Nuit Sur Son Épaule, A Night On His Shoulder, with Juliette Armanet. And before that it was C'est Long, C'est Court, with Zaz. We have more songs to play, and about like 20 minutes. So that's going to be pretty nice. I also wanted, I talked a lot before, so I didn't want to talk too much about... talk too much in general, but I wanted to say that Les Nubians, I looked up Les Nubians, and the description is a French musical duo composed of sisters Hélène and Célia Fossard from Paris, France. In 1985, the sisters moved with their parents to Chad. 7 years later, they returned to Bordeaux, France, and began singing a cappella, producing poetry slams in Bordeaux and Paris, and singing background vocals for various artists worldwide. The duo's debut album, Princesse Nubienne, was released by Virgin Records in 1998. So, just wanted to give you a little bit more background from Les Nubians. And now we're going to listen to more music. So the upcoming song is from Francis Cabrel. It's alive. And c'est vivant? No, it's a live song. Ah. It's a live concert. What was the title? It's alive! It's alive, look. Yeah, it's moving. No. No, the title is Pas trop de peine. Not too much grief. Like, he's not missing too much. And then we're going to listen to Sliman, which is a new artist. He had his new album like a year ago. And the name of the song is Le Vide, the emptiness. Mm-hmm. Yeah, we're hitting a sad strike. And after that, it's going to be La Femme. And the La Femme is the name of the band. And the title of the song is Le Vide est ton nouveau prénom. Oh. So the emptiness is your new first name. So, yeah, it's a bit on the sad side, but hey, we can't always make it happy, poppy songs all the time. So I think we need to alternate a little bit. So we'll be happy, poppy another time. Christmas songs are coming anyways. Mm-hmm. All right, on y va avec Francis Cabrel. C'est parti. Moi quand j'avais 14 ans, les accords de Dylan peuplaient mes insomnies. Et je m'endormais le matin, ma guitare à la main, sans débrancher l'ampli. Toi, tes parents te gardaient les ronds pour que tu aies ta maison. Avec un jardin sur le devant pour les soirs de printemps. Et quand tu arrivais au lycée, t'avais tout étudié, on était fiers de toi. Moi, je disais, je regrette, j'ai des notes plein la tête, je ne vous entends pas. Elles s'envolent par milliers tous les soirs du fond de ma guitare. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, ils m'ont foutu dehors. Ça m'a pas fait trop de peine, mais j'ai dit, vos livres sont moisis, vos principes me gênent. Et vos chaînes m'ennuient. Surtout gardez vos rengaines pour ceux qui sont déjà endormis. Moi, je suis pour qu'on sème des graines de folie. Et j'ai fait pas mal de détours. J'ai vécu à la cour des mendiants et des rois. Pendant que toi tu comptais tes primes de fin d'année, tes cravates de soie. Mais l'autre jour, je t'ai retrouvé derrière ton guichet. Et j'ai compris à travers tes lunettes que c'est toi qui regrettes. Ça m'a pas fait trop de peine, mais j'ai dit, tes livres étaient moisis, ton costume te gêne. Et tes chaînes t'ennuient. Tu as écouté la rengaine. Ça fait 30 ans que tu es endormi. T'as tes 4 semaines. Moi j'ai toute ma vie. Toute ma vie. Moi j'ai toute ma vie. Support for KFAI comes from Roadrunner Records, a classic independent record store since 1986, featuring new, used, rare, and vintage vinyl. Located at 4304 Nicolet Avenue. Open Monday through Saturday, 11 to 6, and Sundays from noon to 5. More info at 612-822-0613. C'est vide là, dans toutes les pièces là, dans tous les cœurs là, c'est plus la même là. C'est vide là, où il y avait les rires là, il y avait la fête là, et ça fait mal là. Thank you. ça file pour de bon. Maintenant, elle doit veiller sur quelqu'un d'autre que toi. Là, on est revenu. We are back. Toujours listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And this is, we have Romain, Adrien, Kristen, and myself, Frédéric. And there's only 10 Bonsoir, more minutes. Bonsoir, Frédéric. Merci, merci. Bonsoir à vous tous. And we That's have... That's just in case the listeners are, you know, turning on their radio now. Yeah. So they see that we say hello to each other and that we're polite. So yes, we are. We are very polite in general. That we are civil. Even though my mom is not listening to the show because we speak English, but we speak French sometimes too. So we did listen to La Femme with Le Vide et ton nouveau prénom. Then before that it was Slimane with Le Vide. And before that it was Francis Cabrel avec Pas trop de peine. We do the playlist, so if you go to kfai.org, starting like I think tomorrow, within a day or two, I typically do the playlist, so you can see the spelling of the artist and the songs if you're really interested, and mm-hmm. you can really listen to the show. So the upcoming songs are going to get us to the end of the show because there's only 10 minutes left. So there's going to be Michel Polnareff avec L'Homme en Rouge, or The Man in Red. Alice et Moi avec C'est Toi que je préfère. And if we have time, we're going to listen to Eddie de Petro mm-hmm. with Random, or Random. But it's going to be in French. And Eddie de Petro is very, very popular right now in France. He's a very recent artist. Yeah. And he's... really becoming a pretty big celebrity. That's cool. Yeah. Good, good, good. C'est parti alors. All right, on y va. And appuie sur les boutons. À la semaine prochaine. I think we should say goodbye now yeah, because after maybe. That we're gonna have Balkan Jamboree. Oh, you say that so well. I know. I can't Balkan keep them straight. Jamboree. Yeah. Yes, indeed. As Nicolas would say. Exactly. Allez, on y va. And à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Good night. Good night. Bonne nuit. Sapin éteint, les boules tombent et cassent son épaule. Les parents dorment indifférents. Yeah. mystère. Toujours sans moi.